Sans sou tout mon thème, faut si m'en dé, ça si m'en voué, ce qui est sans quoi pour m'en thème. Bad doué tendé, juste à m'tremblé, n'a bouse à m'm t'es mal que tombe. Bad fait tenter, filer dans m'm, n'a ou de ou m'bad qui que t'aime. Même là, sorti m'bad vé, penser en rien de mal de vous. M'm pas arrêt rou, même si m'm kembe, que malgré tout. Malgré fond m'm t'es voué bien, ou t'es fait choix, que ou décidé. Pas qui phrase m'a commencé, vous c'est pas non pour m'bad cité. M'a supplié, pas supprimé, n'importe côté, pour pas oublier. M'a qu'à qui t'a tourné maman, Marina pio pour m'caprio. M'en v'lo tourné maman, encore pour m'papi ou seulement dis mon là. Sans douleur, tu me manques, quand ton pipi m'a dû transformer comme un vase ou bien ton toit. C'est moi qui t'a dû être devant toi. Pour place misère, on porte quoi? Moi, je tout gloire. La roche à gré de bon côté pour me capre corps. Et quelques judas qu'on porte bon. Moi, c'est femme d'un combat qu'à compter pas. Moi, c'est nous. C'est première fois que ça arrive. J'ai une femme qui m'a pas qu'à quitter. Pour c'est dans moi pour ta part, we make love, c'est pas un corps, bien dit c'est des profs qui volent d'art, si gâte et font bon visage, moi tout passe, ça y'a pas qu'aime. Oui, m'sou moi vivant, si m'toujours là, bon, j'ai cap gardé. Pour te satisfaire, m'ou dim, j'en voulais ou cap prendre votre forme, pour ça satisfaire, m'pour y'a dit m'yogé photo sous forme, pour sacrifice femme, pas comme mérité, y'en fait love, bou, macha baptiste, si m'ta mouille, vini identifier corps. Ouais, de jour, même sous qu'on n'a pas le brisé crème, encore m'pas qu'à qu'aimer plème, si m'en dois vini, j'ai plein, moi m'senti odeur comme sous tes prêts, avant m'aller m'en virer, ouais, oublier tout RM, parce que c'est celle femme qui compte tout secret, ma vie dans vie sombre, sans conviction. Est-ce que bon qui t'aime fait dire ou bien sans punition? Bon, y'a raison, franchement ça bon frisson. Mais même senti le cadenassé en dos, c'est lui comme si dans prison. Frère, l'un l'un mouillon, tu gestes qu'un pif, faut qu'on parole. Rien pas de vle, faut qu'il t'aille, c'est pas de flap qui bosse, c'était l'homme. Déjà une toute ça m'te levé, n'a ou m'pas ouais, l'autre femme qui mérite. Si m'zim, moi m'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm'm' nous t'es tellement bon, ou dit Jésus au lieu t'es si t'es nom, t'es ouais la vie en belle, c'est pas la jambe, mais si t'es grâce, le monde pas v'lo fait un et pas vite, c'est pour ton baby, ma pète nous. N'importe quoi t'en fais, quel que soit son fait, m'a toujours le baby, ma pète nous. M'a pète nous, oh yeah, m'a toujours le baby, ma pète nous.